donc un peu les filles. Allez, parti. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut à toutes et à tous, c'est Eric et bienvenue sur Érigé, la radio de John Hallyday le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Aujourd'hui, événement exceptionnel, évidemment aussi nous avons droit à notre correspondant exceptionnel. Bonsoir Frédéric. Salut Eric. Ah, comment vas-tu ? Bien. Et toi ? Mais ça va très très bien. Dis-moi, on est là ce soir pourquoi ? Dis-moi, dis-leur à tout le monde, dis bonsoir déjà à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent sur Érigé. Ouais, ben bonsoir à tous, à toutes. Oui, ben nous sommes là pour parler du dernier album de Johnny. Mon pays, c'est l'amour, qui est sorti le 19 octobre 2018. Ouais. Il y a moins d'une semaine. Et nous allons parler de cet album-là en étalant aussi des ressemblances à l'album. Parce qu'il y a une impression de déjà-vu un peu pour certaines personnes, il y a l'impression de déjà-vu. Est-ce que c'est ton cas, Frédéric ? Oui, il y a des chansons qui m'en rappellent d'autres. Voilà. Puis on va parler aussi de notre ressenti. Bien sûr, tout au long de la soirée, pendant 2 heures. On va essayer de ne pas en faire plus. Voilà. Oui, parce que moi, je dois me lever très tôt demain matin. Tu as un rendez-vous, tu dois aller sur Paris pour une interview pour TF1. C'est ça. Mais pas sur Johnny, voilà. Non. Pour autre chose. Vous connaissez tous, vous avez sûrement tous écouté cet album « Mon pays, c'est l'amour » de John Hallyday, le dernier album sorti en date, l'album posthume. On va parler donc du premier titre de cet album, qui est « J'en parlerai au diable ». Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Est-ce que t'en sais plus, toi ? Qu'est-ce que t'en penses de ce titre-là ? Moi, j'aime bien. C'est une chanson que j'aime bien. Donc, elle m'a accroché tout de suite. Voilà, je sais que d'autres, toi, hein, tu m'as dit que tu l'avais pas trop aimé au départ. À la première écoute, oui, je l'ai trouvé assez plate, tout à fait. Oui. Alors, est-ce le fait d'avoir écouté en streaming sur une plateforme qui a fait que le son n'était pas correct pour que je puisse l'apprécier totalement, mais au fur et à mesure, à force d'écouter, oui, on se laisse convaincre quand même. Mmh. Moi, c'est pareil, hein, selon l'endroit où je l'écoute, le son n'est pas le même. J'ai l'impression qu'elle est sous-mixée selon la sono, hein, donc c'est curieux. Mais bon, elle fait partie des chansons que j'aime bien sur l'album. C'est pas ma préférée. Je pense en tout cas qu'elle peut bien fonctionner auprès du grand public. C'est apparemment l'avis de beaucoup de personnes qui aiment ce titre-là. Elle est accompagnée d'un très beau clip qui a été avec des belles images à Monument Valley dans l'Ouest américain. C'est le triprod que Johnny avait fait en octobre-novembre 2016. C'est ça. Ce sont ces images-là et on espère prochainement donc un DVD de ce triprod. On va l'attendre, celui-là aussi. Dis-moi un peu, après on va parler un petit peu d'album avec les appréciations un peu de tous les fans de Johnny qui ont pu acheter. Oui, et puis de l'album en général. L'album en général, c'est l'album qui a été vendu à aujourd'hui, du moins à hier, à 631 000 albums et Warner l'avait programmé 800 000. Donc ça y est, le disque est repassé à la presse. Les vinyles vont ressortir courant novembre. Puis là, ils ont lancé dans le four, ils ont mis dans le four donc tous les nouveaux CD qui vont apparaître prochainement dans tous les magasins qui vendent évidemment les CD. Et donc nous parlerons aussi des appréciations des fans hein, qui sont pratiquement unanimes hein, que l'album est grandiose. Mais je me donne le droit de le faire, ou l'autorisation de le faire, c'est décortiquer un petit peu cet album-là. Et toi tu m'avais dit, à force de l'écouter, ça t'a fait rappeler une chanson, cette chanson, J'en parlerai au diable. Laquelle ? Je t'ai dit ça moi. Oui. Ah oui, non, si, c'est l'introduction. Effectivement, non, c'est le... le gimmick, en fait, les notes, là, ça ressemble à Que je t'aime, ça. Ça ressemble à Que je t'aime, c'est ça, c'est ça. Enfin, de très loin, après, bon, quand il commence à chanter, etc., on oublie. Ouais, ouais. Mais effectivement, l'espèce de musique comme ça, ça, c'est, voilà. Et oui, oui. Mais après, le reste n'a rien à voir. Non. Non, non. Non, puis bon, on pense à Sympathie for the Devil des Rolling Stones. On pense au Diable me pardonne, Johnny et le Diable, c'est une vieille histoire. Tout à fait, exactement. Voilà. Et si on écoutait tout de suite cette chanson-là, ce premier titre, J'en parlerai au Diable. Volontiers. Allez, on est parti. Pour deux heures de bonheur pour toutes et tous, voici Johnny Hallyday, extrait de son dernier album, Mon pays, c'est l'amour. Que j'ai trahi, alors je ne bronche pas. Si jamais on me dit que j'ai menti, alors je ne relève pas. Car le jour viendra de répondre de mes actes, et je ne me cacherai pas. Oui, le jour viendra de respecter le pacte, et lui seul m'entendra. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner. De m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que j'étais. Je l'ai sûrement cherché. Que j'ai trop flirté avec les limites, je ne vais pas le nier. On sort de la piste, on reprend l'espoir, en avance plus ou moins droit. Et c'est en soliste que je lui dirai mon histoire, et j'assumerai mes choix. J'en parle. De m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que j'y sur Érigé pour écouter le dernier album de Johnny Hallyday. Sûrement que vous le connaissez, bien entendu, mais nous sommes là aussi pour en parler avec vous, hein, avec nous, vous tous, et puis en même temps, un petit peu le décortiquer, voir un peu nos impressions à toutes et à tous. N'hésitez pas justement à le communiquer sur le groupe Facebook Johnny de A à Z, où donc on se retrouve tous les mercredis, bien entendu, et on parle justement de ce dernier album. Comme je te disais hors antenne, que cette chanson, J'en parlerai au diable, est une chanson qui t'a été inspirée inspiré d'un classique de Ray Willie Hubbard, Conversation with the Devil. Bertrand Lamblot, un directeur artistique de chez Warner, qui avait dit, je lui avais envoyé la vidéo à Johnny, et quand il l'a vu, il m'a envoyé un mail dont il avait le secret. Trouve-moi une chanson comme ça. Est-ce que tu connais cette chanson-là? Conversation non. with the Devil. Non, tu vas me la faire découvrir. Eh bien, je te la fais découvrir tout de suite. Voilà. Aussitôt dit, aussitôt dit, aussitôt fait. Last night I was cast into hell by a jealous God. The devil walked up and said, you don't need no lightning rod. It hardly ever rains down here, I can't recall the last storm. You ain't gonna need that leather jacket, it gets kinda warm. There's one way in, there's no way out, it looks like you're here to stay. All the places are messing, it's overcrowded, more are coming in every day. I said, oh man, wait a minute, there's got to be something wrong. I ain't a bad guy, just write these little songs. I always pay my union dues, I don't stay in a passing lane. And he said, what about all that whiskey and cocaine? I said, well, yeah, but that's no reason to throw me in hell. As I didn't use the cocaine to get high, just like the way it smelled. He said, come on over here, son, let me show you around. Over this where we put the preachers, I never liked those clowns. They're always blaming me for everything wrong under the sun. It ain't that harder to do what's right, it's just maybe not as much fun. Then they walk around thinking they're better than me and you. And then they get caught in a motel room doing what you said not to do. The murderers and the rapists, they go in this fiery lake, as well as most of the politicians and the cops on the take. And all the mothers who wait till they get to Kmart to spank the kids, and instead of showing them what to do, what's right, they just hit them for what they did. And all the daddies who run off and abandon their daughters and sons, oh, anybody who hurts a child is gonna burn until they're done. Everybody's down here, I said, who's up in heaven with God and the sun? Oh, some saints and mystics and students of metaphysics 101. People who care and share and love and try to do what's right. Beautiful old souls who read little stories to the babies every night. What you won't find up in heaven are Christian coalition, right-wing conservatives, country program directors, and Nashville record executives. Said I made some mistakes, but I'm not as bad as those guys. How can God do this to me? Oh, can't you sympathize? He said you're wrong about God being cruel and mean. Oh, God is the most loving thing that's never been seen. I said, hot shot, tell me this, which religion is the truest? He said they're all about the same. Buddha was not a Christian, but Jesus would have made a good Buddhist. Well, I thought about my future, I didn't seem to have much of one. I looked around to leave, but there was no place to run. I said, I don't suppose I could go back and try living again. You know, like reincarnation, I hear that's the way it's always been. I can't answer that, he said, you're gonna have to wait for that response. But it's not any more unusual to be born twice than it is to be born once. Well, it looked like I was gonna be stuck here as far as I could tell. I thought I might as well suck up, you know, what the hell. I said, you know that song that Charlie Daniels did about how you went down to Georgia and played fiddle against that kid? He said, yeah, it broke my heart, but, you know, what are you gonna do? I said, to tell you the truth, I thought your solo was the better of the two. Up and I was lying in my bed. I ran upstairs and kissed my little boy on his sleeping head. I took this dream as a sign from God, so I thought I better pray. I said, don't ever speak to me directly, and thanks anyway. Now so much has changed about me besides me just giving up red meat. Some get spiritual cause they see the light, and some cause they feel the heat. Willy Hubbard, Conversation with the Devil. Tu es d'accord, Frédéric? C'est bien ça? Oui. Tu as noté. Oui, non, je noterai parce que j'adore. Je trouve ça super. Je te l'enverrai. Un countryman comme je les aime. Alors, on parlait aussi que le thème de la mort, hein, ce n'est pas un fait nouveau chez Johnny Hallyday. C'est même s'il était à l'article de la mort, Johnny ne chantait pas cette chanson-là comme s'il allait mourir demain. Justement, on lance bien le truc. Oui, mais en 72, déjà, oui, en effet. Comme si je devais mourir demain. Donc, oui, la mort, c'est un sujet. La mort, le temps qui passe, la solitude, ça fait partie des thèmes récurrents chez Johnny. Mais j'avoue quand même que quand j'ai écouté pour la première fois, J'en parlerai au diable, c'est quand même très émouvant. Aujourd'hui, dans les circonstances... C'était le contexte voilà. Qui faisait ça, justement. Oui, c'est le contexte, et c'est ça. Et c'est aussi cet album-là, je crois, il n'est pas... c'est pas le meilleur de sa carrière, comme je l'ai entendu dire. C'est un album qui... a une résonance particulière, forcément, parce que c'est le dernier. Oui. Et parce qu'aujourd'hui, je crois, on est beaucoup, enfin moi c'est mon cas en tout cas, à réaliser réellement que Johnny est parti et que tant qu'on était dans l'attente d'un nouvel album, on le réalisait pas tout à fait. Aujourd'hui, c'est quelque chose quand même d'assez particulier, d'assez douloureux. C'est une page qui se tourne vraiment et on en prend conscience, voilà. Donc... moi, j'ai passé toute ma vie à attendre le prochain disque de Johnny Hallyday. Aujourd'hui, je n'attendrai plus. Et c'est pareil, c'est ce qu'on s'est changé tout à l'heure. C'est vrai que on a tous attendu cet album fébrilement et jusqu'à écouter les dernières notes de Johnny Hallyday et se dire que maintenant c'était notre dernier rendez-vous avec lui et qu'il n'y aura plus de suite. Et là, on peut faire maintenant, on va peut-être faire pour certains, hein, comme toi ou moi, on va faire notre deuil. Tout à fait. Voilà, bon, on attendra toujours, il y aura toujours des inédits, il y aura toujours des disques comme ça qui vont ressortir d'une autre façon, des enregistrements remasterisés, des enregistrements news. Inédits de live. Hein, comme, j'ai des news là-dessus, oui, j'en ai. Comme c'est annoncé. Voilà, donc, mais c'est pas la même chose. Ouais, non, ça sera trop chaud. Là, par contre, ce sera du déjà vu. Ce sera du déjà vu et du entendu déjà. Et on connaît du moins. On les connaîtra du moins. Ouais. Si on parlait un petit peu de quelques commentaires des internautes hein, qu'on voit sur Facebook ou même ailleurs hein, qui ont reçu, comment ils ont reçu cet album-là. J'en ai beaucoup qui marquent magnifique, sublime, grandiose, un magnifique cadeau, une puissance vocale impressionnante, un album dans la lignée de rester vivant et de l'amour. J'en ai pleuré en l'écoutant, c'est un album pour la scène, sauf qu'il n'y aura plus de scène, une bombe qui tourne en boucle et un album très émouvant. Alors, qu'en penses-tu, toi? Ah ben ça c'est un ressenti, hein. Je comprends l'émotion, je comprends effectivement, encore une fois, j'ai ressenti ça en l'écoutant. Maintenant, bon, je pense qu'avec le recul dans quelques temps et tout ça, je pourrais dire qu'il ne fait pas partie de mes préférés. Mais il y a quand même une bonne moitié de chansons que j'aime beaucoup, voilà, que j'adore même. Que t'adores, donc voilà. C'est 5 sur 10, on va dire, et c'est une moyenne, et c'est très bien. Voilà, déjà 5 sur 10 sur un album, aujourd'hui, c'est beaucoup, oui. Alors moi je te dirais que c'est pas le meilleur album de Johnny Hallyday, ça je l'ai déjà dit, hein, même sur le site Johnny de A à Z, je marque que c'est pas voilà. Mais c'était un album très agréable à écouter, et c'est pour ça. L'instant, moi je te dirais que je ne zappe aucune plage. Je n'en zappe aucune. Alors peut-être que ça viendra avec le temps, mais oui. Se dire que c'est le dernier, on a du mal à quand même à zapper. Ben on l'écoute différemment aussi. Moi je l'ai écouté différemment et effectivement j'ai rien zappé du tout parce que je voulais tout écouter. J'ai mis le temps en plus, je voulais faire durer le plaisir. Mais je sais déjà les chansons que je zapperai par contre. Je les connais déjà. Oui, tu m'en as déjà changé quelques-unes, tout à fait. Je te dirai plus tard, je te dirai celles que j'aime d'abord quand même. Il faut être positif. Mais bien sûr. Et on parle déjà aussi de... Donc dans cet album-là, on trouve des ressemblances d'autres albums. Un album déjà vu. Alors, oui. Par exemple, comme pour le prochain titre. Par exemple, Mon pays, c'est l'amour. Mmh. Évidemment, Johnny revient, on va dire. C'est pas, on parle de retour aux sources, entre guillemets. C'est pas un retour aux sources, puisque Johnny, il a toujours fait ça. Il a toujours fait cette musique-là, sauf après que, est-ce que ce sont les auteurs, les compositeurs, ou à la rigueur, les maisons de disques, qui ont dit non, Johnny doit pas faire ce genre de musique-là. Et là, pour cet album-là, on a eu droit, justement, à un retour, un peu, un hommage aux pionniers du rock, comme était Gene Vincent, comme était Bill Haley, Carl Perkins, Elvis Presley. Eddie Cochran également. Toi, en tant que biographe, en tant que tu connais un petit peu le truc, comment ça se fait que Johnny puisse faire un titre comme celui-ci, Mon pays, c'est l'amour? À quel niveau tu parles, musicalement? Oui, musicalement, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui a fait retour aux sources. Hein, mais oui, non, mais ça, c'est pas moi. Ça m'étonne pas du tout. C'est vraiment le style de. C'est du Johnny Hallyday quand même. C'est moi, ça me rappelle beaucoup. Alors à la fois plusieurs choses. Ça me rappelle à la première écoute, c'est La Croisière des Souvenirs. Oui. Le pont musical, c'est Mon petit loup. Là, je t'avais dit, l'introduction, c'est Mon petit loup, l'introduction, carrément. Ah, moi, dès l'introduction, moi, je pense à La Croisière des Souvenirs. Ah, bah, tu l'écouteras. Mais bon, effectivement, c'est un petit peu un mélange des deux. C'est aussi Eddie Cochran, c'est aussi, moi, des fois, 37e étage, des trucs comme ça. Ouais. Ça me rappelle l'album Rock à Memphis. Donc, on est vraiment dans cette culture musicale-là, donc qui est vraiment la culture de Johnny Hallyday. Alors, Mon pays, c'est l'amour, c'est le titre de l'album. Le titre, comme ça, c'est une belle surprise, parce que le titre, comme ça, ça avait l'air... ça fait vraiment guimauve. Titre comme ça, cucu la praline. Et puis, total, on se retrouve avec une chanson qui est quand même magique et qui est du pur Johnny. Voilà. Tiens, on va écouter un peu les références auxquelles nous faisons allusion. Du genre, cette chanson-là. Ça, c'est la version de Bob Seger, Baby Lou's It's Gonna Be Out Tonight, qui est la version anglaise, du moins, la version originale de Mon petit loup. On va pas tout écouter, hein. Après, toi, tu as parlé de La Croisière des Souvenirs. Oui. Eh bien, on écoute ça tout de suite. Tu vois un peu que dans l'intro, c'est pas pareil, hein. Non, mais c'est la mélodie. Oui. Là, pour le coup, ouais. On va faire un tour sur le boulevard du Rock'n'Roll. À 5 dans la terre, 3. Alors, toi, tu veux le refrain? Non, mais même ça, déjà, je trouve la mélodie, c'est. Sinon, moi, je te disais aussi, il y a le titre, le rock'n'roll, c'est comme ça. Si tu veux, ouais. Il y a aussi? Aussi, ouais. Le thème rapide. Surtout après, on va dire, débit vocal. Quand on partait sur les routes en tournée, c'était la vie de folie. En chaque vie, chaque jour, l'amour nous suivait comme une goutte. Allez, on va laisser tourner un petit peu, hein. Rien n'a changé, rien n'est fini. Et c'est une fuite de les nuits. Et puis, la musique qu'il écrit. Aujourd'hui, rock'n'roll, c'est comme ça. Il y avait toujours un bar quelque part ouvert toute la nuit. Et quelques belles bagarres où on se fait toujours des tas d'amis. Rien n'a changé, rien n'est fini. Et une fille toutes les nuits. Et puis la musique qu'il écrit. Aujourd'hui, le rock'n'roll c'est comme ça. Sur la scène, on embarquait les filles les plus belles dans nos caisses américaines. Non, rien n'a changé, rien n'est fini. Mais évidemment, on va vous faire écouter le titre « Mon pays, c'est l'amour ». Qu'est-ce qu'on disait déjà hors antenne, Frédéric ? On disait que le titre, pour une chanson, passe encore, mais pour l'album, voilà, moi c'est vrai qu'à un moment donné, ça m'a un peu défrisé, quoi. Voilà. Ce titre-là. Voilà, mais bon. Il y en a qui ont préféré que le titre s'appelle Made in Rock'n'Roll, ou sinon un autre titre, ou toi tu aurais préféré Un enfant du siècle, par exemple. Un enfant du siècle, oui, 60 ans de scène, c'est pratiquement un siècle. Johnny, c'est un enfant du siècle, ouais. Alors bon, la chanson, on l'aime ou on l'aime pas, après, mais le titre, je trouvais le titre assez, c'est comme Alfred de Musset, hein, c'est un enfant du siècle, voilà. Mais Made in Rock'n'Roll, non, ça faisait un petit peu bateau pour le coup, là, je trouve. Ou marchand de t-shirt, comme disait apparemment, comme aurait dit Johnny. Mais j'en parlerai au diable, pourquoi pas. Voilà, ouais, oui. J'aurais pu faire un titre d'album, ouais, posthume, puisque c'est le cas. Allez, on va écouter tout de suite Mon pays, c'est l'amour, le titre qui a donné le nom à l'album, le titre éponyme à l'album. Mon pays, c'est l'amour, qui est un furieux rock'n'roll, comme vous avez pu écouter tout à l'heure, les versions qu'on vous a fait écouter, du moins, on va dire, les ressemblances, hein, les thèmes auxquels ça sera porté. Mais on va quand même reconnaître les accords, le début de la chanson, les accords de Mon petit loup, hein, ou Belle Louise Calatina. Voilà, ça fait partie de mes titres préférés. Ah ben voilà, tout à fait. Voilà. C'est parti alors. Je viens d'un pays où je choisis de naître, un bout de paradis que tu connais peut-être. Je viens d'un endroit sans drapeau ni frontière, une terre sans loi où personne ne se perd. Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour. Je suis né dans ses bras en même temps que toi, j'ai grandi sous ses doigts en même temps que toi. N'hésitez pas, vous aussi, à laisser votre commentaire sur chaque chanson, hein, sur le groupe Johnny de A à Z sur Facebook. N'hésitez pas. On aimerait aussi connaître votre avis, à quoi, pour vous, à quoi ressemble telle ou telle chanson, comme nous, on peut faire librement sur l'antenne de RIG tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit, bien entendu. Tu vois, on a déjà diffusé que deux titres. Et il est déjà 22h et 35 minutes. Tu vois, Frédéric? Oui. C'est ça à parler, c'est ça à parler. On n'a pas parlé beaucoup pourtant. Et pourtant. Prochain titre qu'on va vous proposer d'écouter, ce sera prochainement le titre Made in Rock'n'Roll. savoir un peu que la version originale de ce titre-là, c'est grâce à J.D. McPherson, Let the Good Time Roll, une titre qui est sortie il y a à peu près, je crois, il y a même pas 10 ans. Même pas 10 ans que ce titre est sorti, et Johnny a décidé de le chanter sur son dernier album. Et on voit même une vidéo, je crois, de Laetitia, qui filme Johnny en train de chanter la version originale. Tu as déjà vu cette vidéo-là? Oui. Voilà, et j'essaie de la rechercher, je ne l'ai pas retrouvée, donc il faudra que je la retrouve, celle-là. Donc, que dire sur cette chanson-là? Bah, encore un bon titre, très rock, qui était, et c'est là où on se rend compte, avec ce titre-là, comme avec Mon pays, c'est l'amour, que Johnny vraiment enregistrait ces chansons-là en pensant à la scène, parce que c'est des titres forcément de scène, et on peut imaginer ce que ça aurait pu donner sur scène. Voilà. Donc je pense que quand il a enregistré ce disque, il n'était pas dans des conditions testamentaires, comme ont pu le dire beaucoup de gens, beaucoup de commentateurs. Moi, je pense au contraire qu'il projetait de chanter sur scène et qu'il n'envisageait pas de mourir. Non, tout à fait. C'est ce que je me dis aussi. Moi, je dis que c'est un album pour lequel il a, comme s'il allait le défendre sur scène, ou à la rigueur, il était prêt à enquiller 3 ou 4 albums suivants. Mmh. Et je pense qu'il ne faisait pas du tout cette perspective-là, comme quoi il était atteint par la maladie. Il a fait comme si c'était un album classique, un album normal. Il faut arrêter de penser que, parce qu'il était... Alors, c'est sûr que c'était toujours émouvant d'écouter sa voix-là, parce qu'on se dit qu'il était malade, mais il continuait à faire le show, quoi qu'il en était. Oui, puis je trouve que ces titres-là, les deux qu'on... Enfin, celui qu'on va entendre et puis le précédent, sont vraiment des vrais titres encore plus rock, je pense, qu'il nous avait habitués sur les derniers albums. Bon, il y avait de l'amour qui était un peu rockabilly, tout ça, mais ou Rester vivant, qui était un petit peu, qui sonnait un petit peu rock FM, on va dire. Je trouve que cet album est quand même de meilleure facture à ce niveau-là que les deux précédents, on va dire. Voilà. Je pense que ce sera un album que j'écouterai plus fréquemment que les précédents. Oui, je crois aussi. Ouais. oui, non, mais pourquoi tu ris? Je ris parce que peut-être qu'on changera d'avis plus tard, je sais pas. Non, est-ce qu'on retournera sur notre bon vieux Rivière Mouvement Tourly? Quand on écoute un album, on sait si c'est des chansons qu'on va avoir plaisir à écouter longtemps. Quand même. Oui. Par contre, après, on peut dire aussi que les chansons, est-ce qu'elles resteront dans l'éternel, celles-là? Est-ce que, du moins, est-ce qu'on peut sortir une chanson en 45 c'est tours? Difficile, comme... avec des chansons qui n'auront pas de vie scénique. Hein. C'est un peu difficile de les faire perdurer. C'est plus dur. Voilà. Alors, est-ce que pour toi, c'était le bon choix de sortir en single le titre J'en parlerai au diable? Oui, parce que c'est une chanson grand public. C'est une chanson qui se fredonne, dont on retient la mélodie rapidement en l'écoutant une fois. Donc je pense, bon, c'est peut-être ça qui la rend un petit peu plate, comme tu dis. Mais en attendant, le grand public a besoin de chansons fédératrices et elle est beaucoup plus fédératrice que Mon pays c'est l'amour, qui est très rock, ou que Made in Rock'n'Roll qu'on va écouter là. Voilà, je pense ensuite que, je ne vais pas parler à la place des décideurs ou de la décideuse, mais pardonne-moi, ce sera peut-être le second single. C'est ces chansons qui toucheront beaucoup plus facilement le grand public, tu comprends? Tout à fait. Ou un public de filles aussi, pardonne-moi, c'est une chanson, comme disait Johnny, ça fait partie des chansons de filles. Et pourtant, dans l'album d'Obispo, par exemple, ce que je sais, il y avait bien Allumer le feu qui est sorti en single. Oui, mais Allumer le feu, c'est pas pareil. Allumer le feu, c'était une chanson fédératrice quand même. Fédératrice, et c'était une chanson qui ouvrait un spectacle et qui portait le spectacle à elle seule. Donc ça a été vraiment une chanson qui a tout explosé. D'ailleurs, par contre, là, pour le coup, ce que je sais, c'était vraiment une mauvaise idée de sortir ça en single. Ah oui, non. Ah ben, allez, on peut dire qu'il y a plein de chansons, des singles, les premiers singles de beaucoup d'albums, ce sont des chansons, on va dire, quelque sorte fédératrices, molles, on va dire. Ben, c'est soit des slow, parce que qui reflétaient pas forcément un l'album. Peu plus large, soit des chansons un petit peu up-tempo, quoi. Voilà. C'est souvent ça. Hein, pour... Mais comme tu dis, c'est pour fédérer les filles. Oui, enfin, le grand public. Il faut pas... Voilà. On va passer pour quoi. Oui, oui. Alors donc, tu ne connais pas la version originale de Made in Rock'n'Roll, qui est Let the Good Times Roll de J.D. McPherson. Eh bien, je te propose d'écouter ça tout de suite. J'ai vaguement entendu, mais je ne l'ai pas. Oui, voilà. Version originale de la chanson Made in Rock'n'Roll par J.D. McPherson, Let the Good Times Roll. Voilà, tu l'as enfin écouté, celle-là. Pas mal, très bien. Mais tu vois, est-ce que tu es prêt maintenant à écouter la version de Johnny? Oui, mais celle-là, je la connais. Il n'y a que les paroles qui changent. Hein. Oui, et la voix. Et la voix également. Allez, je balance ça. Vous écoutez RIG, bien entendu, l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Et ce soir, nous avons l'invité exceptionnel, Frédéric Cunanero. Il n'a pas d'actualité, Frédéric. Non, tu n'en as pas. Ah si, j'ai toujours une actualité. Oui, mais actualité Johnny Hallyday, on va dire. Non, j'ai toujours le Johnny Immortel qui est toujours disponible chez les bonnes librairies. Il y aura peut-être un poche qui sortira dans le courant de l'année prochaine. Là, on l'a pas sorti parce que c'était prévu pourtant. Il s'était annoncé d'ailleurs par les commerciaux. Mais il y a eu tellement de livres qui sont sortis là en même temps pour le premier anniversaire donc de la mort de Johnny qui est bientôt. Donc l'éditeur pour des raisons éditoriales donc a décidé de le reporter à l'année prochaine, mais bon, c'est pas plus mal. Et en même temps, toi, tu vas pouvoir le compléter alors ce bouquin, ce voilà, livre immortel. C'est ça. Tu vas le compléter avec justement la sortie de l'album Mon pays c'est l'amour. Voilà, ça, on va le compléter avec ça. On va le compléter aussi avec les obsèques, puisque bon, moi je les ai commentés à la télé, mais bon, le livre était fait. Les bonnes dates aussi, parce que bon, pendant un petit moment on avait cru que la date du décès c'était le 6 décembre, en fait on a su un petit peu plus tard que que Johnny était parti le 5 à 22h et quelques. À 9h30, je crois. Voilà, donc il y a tout ça à modifier. On sortira ça en deux volumes dans un petit coffret, un truc assez sympa, je pense. Eh bien, il nous tarde de voir ça, justement. Et tu parlais d'un livret photo avec. Oui, un livret photo avec les à part, donc en plus des deux volumes. Et que des photos inédites. Ben on espère, hein, on va essayer d'en trouver un maximum, oui. Bon, t'as les miennes déjà, t'as les miennes. Ah, j'ai les tiennes, ouais. Je fais ma pub en même temps. Allez, on va écouter tout de suite le titre Made in Rock'n'Roll par Johnny Hallyday. Et sur ma peau, je suis made in rock'n'roll. C'est pas le vent des mauvais qui passe. Que c'est pas le vent des mauvais qui passe. Le vent, il va tomber bien avant moi. Que ma partie verra. C'est écrit sur mon cœur, je suis made in rock'n'roll. Qui me fera tenir en place. C'est pas l'argent qui me fera tenir en place. L'argent il s'épuisera bien avant moi. Te barre pas tu verras. C'est écrit sur ma vie. Je suis made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Oui, made in rock'n'roll. J'espère que tout va bien chez vous. Frédéric Quinonero est avec nous pour parler de l'album « Mon pays, c'est l'amour ». Même si Frédéric n'a rien à voir à cet album-là. Il n'a rien à voir, mais c'est le biographe. Ah non, c'est pas moi le fan qui a écrit une chanson. Oui, ce n'est pas toi qui a écrit oui, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Le prochain titre, qui est le quatrième extrait de l'album, c'est le titre « Pardonne-moi ». Donc, pour moi, la première écoute, c'est ce titre-là qui est ressorti. Après, il a fallu que je réécoute les autres c'était des découvertes. On va dire qu'on est habitué à entendre un Johnny chantant comme ça, ou avec une musique comme ça, on est habitué à ça, et à force de trouver des chansons qui se réveillaient, enfin des chansons qu'on faisait longtemps qu'on n'avait pas écoutées, on retombait sur du Johnny classique, on va dire. Et avec cette voix qu'il avait, avec la voix qu'il a sur ce titre-là, pour moi, c'était la chanson qui était ressortie le plus. Après, toi, après une chanson que moi j'apprécie, toi tu n'apprécies pas par contre. Bon, je pas plus que ça. Non, c'est pas, je sais pas que je l'apprécie pas, mais pas plus que ça. Moi, pour moi, c'est une chanson, je ne sais pas quoi, qui me rappelle, je ne sais pas, je t'ai aimé ou des chansons comme ça. Je ne sais pas. C'est le texte vole pas haut en plus. Bon, sa voix, effectivement, voilà, mais toutes les chansons de cet album, moi, la voix de Johnny me cueille à chaque fois. Mais à la deuxième écoute, en tout cas, de l'album, etc., attentivement, comme ça, quand j'ai écouté une deuxième fois, puis une troisième fois, elle fait pas partie de mes chansons préférées. Voilà. Et si on écoutait cette chanson-là, pardonne-moi. Oui, bien sûr. On va l'écouter. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le post de cette émission-là, sur Johnny de A à Z. N'hésitez pas à nous dire justement quelle est votre chanson préférée de l'album, pourquoi vous n'appréciez pas celle qu'on diffuse actuellement, ou pourquoi vous aimez cette chanson-là, justement. Pourquoi ? N'hésitez pas, on se retrouve donc juste après ce titre-là. Pardonne-moi. Pardonne-moi si les silences au fond de moi m'ont rendu sourd, si les grands soirs ne valent plus rien, en vient le jour, j'aimerais t'aimer comme il se doit, pardonne-moi. Pardonne-moi si tu rêvais d'un autre moi, d'une autre vie. Comment pourrais-je tromper la mort quand elle sourit? Encore une fois, encore une nuit, pardonne-moi. Pardonne-moi si le volcan au fond de moi ne s'éteint pas, si la fureur des souvenirs ne revient pas. Personne ne saura mieux que toi, pardonne-moi. Regarde-nous, fermez les yeux face au miroir qui nous foudroie. Quand la victoire n'a plus de goût, n'a plus d'éclat. Sauvez l'amour, sauvez l'envie une dernière fois. Si je tremble, si je n'ai plus. Pardonne-moi, le quatrième extrait de l'album Mon pays c'est l'amour, pardonne-moi, qui a été écrit par Johan Mallory et Hervé Le Sourd. Joanne Mallory, à ne pas confondre avec Michel. Oui, tout à fait, et qui n'ont aucun lien de parenté. Non, puis Michel avait du talent. Alors toi, dis-moi un peu à quoi on dit tous que donc ce texte-là se rapporte auprès de Laetitia. Oui. Oui. Bah, il peut s'adresser au public. Hein, c'est l'infection. Alors je sais pas. Bon, il y a des paroles peut-être un petit peu plus qui s'adressent à une femme, mais c'est une deuxième lecture. Ce qui est touchant, quand même, ce qui est émouvant et touchant dans cette chanson, c'est que c'est une des rares avec J'en parlerai au diable où il évoque la mort. C'est encore plus troublant parce qu'il évoque le fait que la mort va venir le cueillir. Mmh. C'est comme quand il chantait au public l'hymne à l'amour. Ou voilà, ce sont des chansons qui, à l'origine, s'adressent à des femmes et puis qu'il adressait au public. Donc sur scène, on peut imaginer que peut-être s'il l'avait chanté sur scène, il se serait adressé à nous. Je comprends tout à fait, bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait. Je voulais dire, c'est la deuxième lecture que j'ai eue également pour ce texte-là, oui. Également pour cette chanson-là. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus? Rien. Tiens, en fait, il y a aussi des personnes qui n'aiment pas trop l'album. Tiens, j'ai relevé un fan ou un amateur de Johnny, on va dire, un peu, qui a marqué « Franchement, je me suis arrêté au troisième morceau. Made in Rock'n'Roll et mon pays, c'est l'amour. Je comprends pas. Faire des morceaux 200 000 fois joués, pompés, etc. Attendre le dernier album de Johnny pour entendre finalement le premier de 1960, je comprends pas. Et le premier morceau, le diable, je sais pas quoi, du pur yodéliste de merde, on se fait chier, il se passe rien. Perso, la voix de Johnny rattrape beaucoup, quoiqu'elle me semble bien trafiquée. Moi, je suis pas d'accord, hein. Ça, c'est mon avis. Hein. Grosse déception, et en même temps, il est mal entouré depuis 100%. Donc, voilà la vie. C'est, oui, c'est... Ça le regarde. Ça le regarde. C'est un peu violent, je trouve. Ah, c'est très violent, c'est très violent, tout à fait. Ouais, ben, moi, je serais très embêté de pas aimer son dernier album, quand même. Quand on est fan... je pense quand même qu'il y a, même si on n'aime pas, on raffole pas d'un album, il y a quand même des chansons qui nous interpellent, que l'on aime. En plus, c'est curieux, moi, c'est les premières justement de l'album que j'ai tendance à préférer. On va dire en gros qu'il est en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a cette interlude qui vient couper cet album en deux, donc, et beaucoup m'ont préféré la première partie à la seconde. Il y a des chansons, non, ma préférée est après l'interlude quand même, donc je dois aimer à peu près tout l'album quand même. Voilà, tu vois, en fin de compte. En fin de compte, ouais. Mais bon, il doit y en avoir deux, trois comme ça qui sont un petit peu, que je dirais, moyennes ou bof, quoi. Voilà. Mais moi, ce que je reprocherais par contre aux derniers albums de Johnny Hallyday, depuis, mettons, je sais pas, on va dire, après À la vie, à la mort, on va dire, hein, après 100% et À la vie, à la mort, qui sont pour moi deux albums magnifiques. Ce que je reproche, c'est que ça pêche pas au niveau des textes. Depuis l'album Ma vérité, quoi. Oui. Depuis 2005. Oui, à part peut-être ça ne finira jamais, qui est un album que j'aime beaucoup, 2008, que je continue à écouter avec plaisir, sans zapper quoi que ce soit. Mais sinon, c'est souvent les textes qui pêchent, quoi. Alors que musicalement, il y a des choses magnifiques, quoi. Je suis bien d'accord. Voilà. C'est pas mes préférés non plus. Ça ne finira jamais. Mais moi, je suis plus années 70, moi. Hein. Puis Yodelis, en tout cas, c'est quelqu'un qui a... On peut pas il n'a pas un style bien défini musicalement où on peut pas lui reprocher d'être plus ceci que cela, puisque cet album ratisse quand même assez large et très varié au niveau des influences et au niveau musical. Et je trouve qu'au niveau des arrangements et de l'orchestration, c'est plutôt du bon son, quoi. Et pourtant, donc on peut quand même lui reconnaître ça. Est-ce que Yodelis, pour lui, c'est tout à fait différent de ce qu'il a fait pour Johnny Hallyday. C'est tout à fait différent. Hein. C'est assez différent. Ou qu'il a fait pour Jennifer. Pour Jennifer ou pour des gens qui sont dans un autre univers, comme dirait Jennifer, justement. Il s'est adapté. Et donc, après, la question, c'est pourquoi on continue c'est Laetitia qui a toujours poussé à ce que ce soit Yodelis qui continue le travail chez Warner. Pour Warner, du moins. Oui, certainement. On n'y aura pas plus loin, donc je comprends. Non. Prochain titre, cinquième titre de l'album qu'on va écouter, c'est ce fameux interlude. Cet interlude qui est... Ah, on écoute ça aussi. On va l'écouter. Voilà, il est 11h, on va l'écouter. Non, c'est pour l'extrait, c'est pour dire que l'interlude, c'est un morceau qui devait être en principe, qui devait figurer dans la chanson. Dans la chanson J'en parlerai au diable, parce que donc c'est la version, on va dire, symphonique de J'en parlerai au diable, mais qui a été retirée car Yodelis désirait que cette chanson, la première chanson de l'album, reste brute, on va dire. Même s'il y a des chœurs derrière. Il voulait que, apparemment, il n'y ait pas ces cordes, tout ça. On ne sait pas à quel endroit de la chanson ça est intervenu. Pas. Tout à fait, on ne sait pas. Moi, je me suis amusé à faire un petit mix des deux. Hein. J'ai mixé un peu les deux et vous aurez le résultat dans une prochaine émission. Voilà. Au début, peut-être, non ? Ça aurait quand même un peu comme le cœur en deux, là, l'espèce de c'est truc. C'est plus vers la fin. Ah, comme je dis, t'as la deuxième partie, au deuxième refrain, en gros, tu commences à mettre l'orchestre symphonique. Voilà. Allez, on écoute cette interlude et on revient pour le titre suivant qui sera 4 mètres carrés, la chanson que tu préfères. Interlude du dernier album de John Hayday, Mon pays c'est l'amour, et donc ça c'était une petite interlude qui rappelait le titre J'en parlerai au diable. Donc c'est Yvan Cassar, hein. C'est de Yvan Cassar, tout à fait. On l'a pas cité. Non, c'est vrai. Merci. Voilà. Merci pour lui. Le géant, l'exceptionnel Yvan Cassar. Après, il y en a qui aiment ou qui aiment pas, hein, après. Oui, mais bon, hein. Il y en a qui aiment pas Yodelis aussi. Aussi. Il y en a pour tous les goûts. Tout à l'heure. Il y en a pour tous les goûts. C'est vrai, comme je te disais, c'est le témoignage le plus violent que j'ai pu repérer sur Internet. Donc, prochain titre qu'on va écouter, ça sera 4 mètres carrés. Mais 4 mètres carrés, donc c'est la chanson que toi tu préfères. Et en même temps, elle nous fait aussi rappeler d'autres chansons. Un autre goût de déjà vu. Alors, déjà la thématique des prisons, quand même, Johnny, c'est pas sa première. C'est pas nouveau. Il y a le pénitencier, mercredi matin. Toi qui t'en vas. Pardon ? Toi qui t'en vas. Voilà, toi qui t'en vas. On la prison des orphelins, il y a... C'est ça, la prison des orphelins. Il y a Un monde à part, aussi. Ouais. Donc c'est mercredi matin, et donc c'est sûr que c'est un thème comme la mort, on va dire, qui est un thème récurrent dans le répertoire de Johnny Hallyday. Moi je l'aime parce que là pour le coup c'est carton plein, parce que on a un texte qui tient la route. Alors c'est Pierre-Yves Lebert, je le cite, hein, il faut citer les auteurs, comme dirait Mireille Mathieu. et la musique qui est... Moi qui me rappelle une chanson de l'album de blues, hein, c'est Monument Valley. qui fait partie de des chansons que j'adore de Johnny. Qu'on écoute en fond. Ouais, vas-y, continue. Hein? Et toi, c'est Une vie à l'envers, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et je suis pas le seul aussi. Hein. Ouais. Il y a certains amis auditeurs qui nous écoutent à l'antenne qui me parlent aussi de Une vie à l'envers pour ce titre-là. Ouais. Alors après, on va dire c'est pas du 100%, mais c'est un petit rythme qui fait, ou c'est un phrasé qui va faire en sorte qu'on se retrouve, on retrouve des airs de telle ou telle chanson. Et après, la question, c'est comment ça se fait qu'on puisse... On ne l'a jamais fait sur les autres albums de Johnny Hallyday. Pourquoi sur cet album-là, on a cette impression de déjà-vu? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu t'es posé la question? Pourquoi on a cette sensation de déjà-vu sur cet album-là et pas pour les autres? Ben non, mais d'autant qu'en plus, c'est pas des chansons qui sont sur les deux albums précédents que Yodelis avait également, sur lequel Yodelis avait également participé. Donc, je pense que c'est tout à fait involontaire, mais ça, c'est lié sans doute à cette musique très particulière qu'aime Johnny Hallyday, c'est-à-dire qui va à la fois du rock des années 50-60 au blues, au rhythm and blues, et aussi à la country de Nashville. Donc, je pense que c'est un melting pot de tout ça, et puis qu'on retrouve souvent les mêmes accords hein, dans le rock et dans tout le blues. À fait. Ah oui, tout à fait. Déjà, il y a du genre, si on reprend Chuck Berry, Chuck Berry a une signature, c'est-à-dire que tous ses morceaux commencent par la même introduction. C'est ça. Alors, du moins, il va y avoir des modulations au niveau de la tonalité de l'accord et tout ça, mais sinon, c'est exactement les mêmes accords. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Peut-être ça changera, donc du coup, mais effectivement, c'est pour l'instant, c'est ma chanson préférée. Alors moi, de mon côté, ou sinon, je crois que même Rook, de notre côté, nous avait signalé comme quoi, lui, cette chanson-là... Il n'aimait pas. Si, il l'aimait, mais lui, il disait que ça faisait ressembler aussi à Une vie à l'envers. Oui. Effectivement, la réécoutant tout à l'heure, effectivement, j'ai reconnu des accords ou des trucs qui m'ont rappelé effectivement Une vie à l'envers aussi. Mais en tout cas, la première fois que je l'ai entendu, tout de suite... J'ai eu Monument Valley dans la tête. Ah oui. Mais il y a comme ça qui viennent en tête. Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Eh bien, on écoute là Une vie à l'envers. On va l'écouter en intégralité, bien entendu. Hein? Ok. Vous écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z. On décortique. On écoute aussi, bien sûr, on écoute Mon pays, c'est l'amour, dernier album de Johnny Hallyday, en compagnie de Frédéric Quidonero. Le rond-point à Châtellerault. Les néons, cafés, déserts, un aquarium à mégots, mon visage sur un poster. Je ne connaîtrai jamais la fermeture à minuit, la vie des gens qui m'aimaient n'aura pas été ma vie. Les hélicoptères, les avions, les nuits, une vie à l'envers je vis. Les échangeurs, le trajet, le péage, la forte escorte, la poche arrière, le billet. 15 heures, ouverture des portes, et les stands et la buvette. Moi je n'y suis pas allé, ces briquets, ces allumettes, je ne les ai pas allumées. Les hélicoptères, les avions, les nuits. Je vis les hélicoptères, les avions, les nuits, une vie à l'envers je vis. We'll be right back. tatouage sur l'avant-bras. Ce prénom, je le connais. Pourtant, je ne m'habitue pas. Je ne m'y ferai jamais. Les hélicoptères, les avions, les nuits. Une vie à l'envers. À l'envers, je vis. À l'envers, je vis. Et si tout de suite on écoute le titre 4 mètres carrés, vous écoutez RG, l'émission Johnny de A à Z. Cellules, appel des matricules, ce foutu bris de clé me donne envie de tuer. J'ai des souvenirs de ciel, pas de moins en moins réels. J'ai des rêves de grand voile, de soleil et d'étoiles. 4 mètres carrés, des poussières, c'est la dimension de l'enfer. Ouais. 4 mètres carrés, des poussières, c'est la mesure de ma misère. Des envies de ville et de fumée d'usine. J'ai des désirs d'alcool, des descentes en sous-sol, l'aventure de naufrage dans des pays sauvages. De filles fascinantes et faciles. 4 mètres carrés, des poussières, c'est la dimension de l'enfer. Ouais. 4 mètres carrés, des poussières, c'est la mesure de ma misère. Misère. Carton plein pour notre invité Frédéric Quilmenero qui adore cette chanson 4 mètres carrés. Ouais, je me sens un petit peu seul à mes 4 mètres carrés parce que je regarde en même temps les réactions et elle ne fait pas partie des préférées des fans, hein, curieusement. Ouais. Mais bon, c'est bien aussi de partager ses goûts, de pas avoir les mêmes. Et voilà. Mais moi, je trouve que tout est bien dans cette chanson. Tout est parfait. Ah ben, on dit bien une tuerie encore là pour la scène. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Comme celle qui suit d'ailleurs, que j'imagine en scène que je trouve moins sympa peut-être à l'écoute. Alors, une chanson qui fait tout à fait penser à celle-ci. On reconnaît quand même la patte de Harold Pupo, qui est un des compositeurs du titre. McKinley, on reconnaît. Peut-être que le tempo, là, il est un peu moins rapide. Mais sinon, c'est à peu près le même... Les guitares comme ceci, on retrouve les mêmes ingrédients, en quelque sorte, on va dire, sur celle-là. C'est dans la lignée, de Rester Vivant, ouais. Tiens, tout à l'heure, on parlait aussi de Bacchanalé. Bacchanalé, c'est qui fait le message? Qui c'est qui tient ce message-là? Est-ce Johnny vis-à-vis de Laetitia ou c'est Laetitia vis-à-vis de Johnny? Ah, faudrait peut-être demander à l'intéressé. Je te laisse t'en charger. C'est ça, oui. Tout de suite. Dès que j'ai fini avec toi, je lui passe un coup de fil. Y'a pas de soucis. J'espère que t'as encore du forfait. Oui. S'il me reste du forfait, oui. Ah zut alors. Tiens, donc, Rester Vivant, c'est ça. On va laisser passer le petit refrain. Et on va écouter tout de suite Back. Alors, juste pour l'anecdote, oui. Sylvie Vartan a une chanson qui s'appelle Back to LA. Oui. Voilà, donc c'était Yves Simon qui lui avait fait à l'époque en 96. Donc voilà, un petit clin d'œil à Sylvie. Bien sûr, et qui n'a rien à voir avec le. C'est pas du tout le même thème. Non, pas du tout. Bon. Non, non. Mais elle, on sait pourquoi elle y retourne. Oui. Je ne développerai pas. Non, je ne demanderai pas pourquoi tu dis ça. Non, je ne demanderai pas. On va écouter tout de suite Back in LA, Johnny Hallyday, extrait de l'album Mon pays, c'est l'amour. I want you. Vous écoutez Érigé, l'émission Johnny de A à Z, et avec l'album de la semaine Mon pays, c'est l'amour, et aussi en compagnie de Frédéric Quinonero. Prochain titre qu'on va écouter, donc, ce sera La mairie de William. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, méfie-toi sur le disque, elles sont inversées. Alors, tout dépend du disque que tu as. Ah, si j'ai toi, un disque où elles sont inversées. Voilà, si tu as le disque, on va dire, le disque cristal, le CD cristal, oui, les titres sont inversés. Mais pas cher, ouais. Mais pas sur le collector, parce qu'il est moins cher, donc c'est pour ça qu'il est moins c'est cher. C'est pour ça. Ouais, mais bon, tu peux dire que tu as un collector. Et ouais. Voilà, bon, il y a 800 000 copies du même. Non, peut-être pas. Peut-être pas 800 000 copies, mais il doit y avoir au moins à peu près 400 000 copies du même CD. Donc, pour c'est un collector. C'est celui que je trimballe dans la voiture, moi. Mais donc, t'as raison, merde, t'en as pas acheté. Je m'en suis rendu compte dans la voiture. Qu'est-ce que t'as acheté alors de cet album-là? Est-ce que t'as acheté les deux CD et le vinyle ou t'as acheté qu'un seul? Non, j'ai acheté que. Pour l'instant, j'ai que le cristal et le vinyle. D'accord. Mais vinyle. Le collector CD, non, pas encore. Mais moi, j'ai les trois. Je me suis dit que le vinyle, ce serait celui qui partirait sans doute le plus rapidement et puis qui aurait peut-être un tirage moins important. Ça a été le cas. Justement, il était sorti en 25 000 exemplaires et les 25 000 exemplaires ont été écoulés en moins de deux jours. Ouais. Et là, Warner a annoncé comme quoi ils allaient rééditer ce vinyle-là pour le 3 novembre, la version blanche, comme celle qu'on a pu avoir. Et le 21 novembre, il me semble, ou 23 novembre, il y aura la version noire, galette noire. Alors, le Rook dit titre inversé seulement sur la jaquette. Non, ils sont inversés aussi sur le disque. Moi, sur le mien, j'ai l'enfant du siècle avant l'Amérique de William. Hein, c'est ah, ça. Ah, tiens, avant l'Amérique de William, d'accord. Je crois que c'était... D'accord. Ah bon, tiens, il faudrait que je l'écoute, parce que je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? J'avais cru que j'avais appuyé par inadvertance sur l'avance rapide du volant. Et puis non, en fait, les titres sont bien inversés. Eh ben voilà. On va tous... Alors on a l'Amérique de William, là, c'est on ça a l'Amérique de William, tout à fait. Ouais, on va tous vérifier ça. Alors ça fait penser, ça, c'est... Alors je sais pas si... Je dirais que c'est le deuxième ou le troisième, peu importe. Vas-y. C'est, en tout cas, c'est dans mes titres préférés. Je dirais que comme 4 mètres carrés, là aussi on a un texte qui tient la route, le texte de Jérôme Attal qui écrit très bien, qui écrit des romans magnifiques que je vous invite à lire, et donc écrit de belles chansons. Donc c'est pas sa première expérience avec Johnny, et je trouve que le texte est très poétique, très beau, et la musique aussi tient la route, donc on a un carton plein là aussi. D'accord. Selon moi. Oui. Moi je dis c'est pas foulé quand même pour les paroles. Et on a la thématique de l'Amérique de Johnny, hein, donc. Oui, comme ça par exemple. Qui a été évoqué dans Mon Amérique à moi. Bien sûr. Ah ben oui, là dès qu'on parle un peu country music, on arrive un peu où on va sur les côtes d'Amérique, bien sûr. Oui, ouais. C'est très côte ouest là. Hein. On a l'impression d'être sur la route 66. De rouler en décapotable et on met ce genre de musique là et on y est. Alors toi t'as fait le rapprochement de cette musique, de cette chanson, l'Amérique de William avec le titre Mon Amérique à moi, de Johnny Hallyday en 1982. Pour la thématique, tout à fait. Mmh. Et moi en rapprochement en disant, moi j'ai pensé à ce titre ici. Hello US USA, Johnny Hallyday en 1972. Ouais, le thème du film de François Reichenbach. J'ai tout donné. De toute façon, on mettra pas toute la musique, toute la chanson, évidemment. Mais il y a beaucoup de chansons où il parle d'Amérique, Johnny, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais là, c'est on va dire un peu une voix un peu déjà vue, ressemblance un peu, on retrouve un petit peu le... Oui, je ne sais pas si toi tu vois comme ça, hein, voilà. Ouais, cette Amérique-là, quoi, voilà, elle est dépeinte, qu'aimait Johnny, les grands espaces, voilà. L'Ouest américain, la Californie, voilà. Eh bien, tu sais quoi? On va écouter le titre de cet album, Mon pays, c'est l'amour, l'Amérique de William. Vas-y. C'était quoi la chanson? C'est Rouler vers l'Ouest, voilà. Oui. Voilà, quand il avait fait le... Quand il avait son trip-road en 90... Ouais, c'est 10, ça. 91, voilà, oui. La chanson, avec Adeline, oui, à l'époque. Tout à fait. Voilà, et donc c'était la chanson Rouler vers l'Ouest, ça fait penser à ça aussi, ouais. Les grands espaces et compagnie. Ouais. La mienne de William, tout de suite. Mmh. l'Amérique de William. Ce sont les grands espaces intimes vus d'une fenêtre de cuisine. Ce sont les mégots de l'espoir qui fument encore sur les trottoirs. L'Amérique de William, ce sont les plaques de Texaco renversées dans l'œil des cyclones. Ce sont les motels solitaires qui attendent qu'une chambre se libère. Sur les photos d'Eggleston, il y a de la vie en Kodachrome, des drive-in et des mobile homes. En Kodachrome, des drive-in et des mobile homes. L'Amérique de William, ce sont des bars au crépuscule, des villes fantômes sous la lune. Ce sont des fleurs qui ont poussé sous la bannière étoilée. L'Amérique de William, ce sont les grands espaces intimes, plus d'une fenêtre de cuisine. Ce sont les mégots de l'espoir qui fument encore sur les trottoirs. Sur les photos d'Eggleston, il y a de la vie en Kodachrome, des drive-in et des mobile homes. Sur les photos d'Eggleston, il y a des filles qui protègent leur môme du désir et des hématomes. Sur les photos d'Eggleston, il y a de la vie en Kodachrome, des drive-in et des mobile homes. Sur les photos d'Eggleston, il y a des filles qui protègent leur môme désir et des hématomes. Johnny Hallyday sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. On voulait rajouter évidemment quelque chose, oui, hein, Frédéric. Un rectificatif, effectivement, c'est Roux qui disait que en fait c'était uniquement sur la jaquette que les titres étaient inversés. Effectivement, après réflexion, comme c'était dans la voiture, le disque tournait, effectivement, je m'attendais à entendre l'Amérique de William et j'ai entendu la chanson suivante, donc Un enfant du siècle. Je me suis dit, merde, c'est pas l'Amérique de William. Ça, j'ai regardé la jaquette, j'ai tourné la pochette du disque et j'ai vu effectivement que les titres étaient inversés. Mais dans mon esprit, ils étaient inversés sur le disque et pas du tout, non. Ils sont inversés sur la jaquette. Et on voulait préciser aussi, évidemment, qu'on parle de l'Amérique de William Eggleston. Oui. Et voilà, hein, on précise. C'est on ça. Précise quand même. Bon, il le dit dans le refrain, hein. Le prochain titre qu'on va écouter, ce sera le titre « Un enfant du siècle ». Encore une composition donc de Johan Mallory avec son partenaire Hervé Le Sourd. Ouais. Que penses-tu de cette chanson-là, « Un enfant du siècle » ? Oui, oui, oui. Pas plus que ça. Ouais. Et sur pas la musique de Yodelis et Yaron. Le titre, par contre, aurait pu faire un très bon titre d'album. Mm-hmm. Parce que Johnny, voilà, c'est 60 ans de scène et c'est un enfant du siècle, on peut le dire. Donc je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, je radote. C'est ça. Mais voilà, donc c'est à part ça. Mais c'est pour ceux qui n'étaient pas là au départ. En elle-même, je trouve que le texte est très très faiblard, quoi. Pas de plus. Mais ça, on parle. Mais c'est un écrivain qui parle. C'est pour ça. Eh oui, oui, oui. Non, mais c'est non. Mais bon, c'est voilà. Mais c'est l'écrivain. C'est pas du même niveau que 4 mètres carrés ou que l'Amérique de William, par exemple, ou même que j'en parlerai au diable, finalement, qui passe bien. Oui, c'est un truc bateau, on va dire, en quelque sorte, c'est facile. Hein ouais, ouais, mais ouais, voilà. Mais bon, musicalement, bon, un enfant du siècle, elle s'écoute, hein, voilà. Oui, tout mais à fait. Effectivement, bon, moi, je l'arrangerai avec les chansons que j'aime moins, voilà, que j'aime moins. Hein. Ok, mais écoute, quoi qu'il en soit, on va l'écouter, c'est ce titre. On va l'écouter. Un enfant du siècle, Johnny Hallyday. Un siècle sans promesse, un enfant qui respire, cette vie qui nous blesse, à mesure que s'effacent nos plus beaux souvenirs, où meurt l'adrénaline de cette solitude, faut-il payer le prix pour sentir qu'on écoutez RIG et l'émission Johnny de la Z en l'honneur de l'album Mon pays, c'est l'amour. Je suis avec Frédéric, toujours à l'écoute. Frédéric est toujours bien là sûr. Pour parler évidemment de sa passion sur Johnny Hallyday, bien sûr. On peut dire que ça, c'est quand même cette seconde partie, du moins il y a quelques morceaux, c'est assez rock, rock FM. Voilà, ouais. Oui. Donc ça passe partout. Oui, il y a des chansons qui peuvent, je pense, très bien fonctionner. Rock FM, j'ai du mal un petit peu à définir ce que c'est vraiment le rock FM. C'est assez péjoratif d'ailleurs. Ah oui, ben oui. Hein? Dis-toi que c'est du rock qui passe sur la bande FM, tout simplement. Voilà, c'est. Il y a des bons trucs aussi qui passent sur la bande FM quelquefois. Moi, je trouve que c'est un album très agréable à écouter. Voilà. Oui, oui. Musicalement, il est très agréable à écouter. Bien sûr. Ouais. Voilà. Tiens, j'ai un petit avis d'un internaute qui, du moins quelqu'un qui a déposé sur le site Johnny de A à Z. C'est vraiment un très, très bon album du niveau des meilleures rivières, Sings America et d'autres. Là, c'est un peu fort quand même. Oui, la voix, voilà, la voix te pénètre, elle est d'une clarté impressionnante. Les trois premiers titres te foutent une claque. L'album entier te transporte de joie et te donne envie de chialer, de hurler, de danser, de taper du pied. La vie est parfois injuste. Maintenant, on peut se consoler en se disant que malgré tout, on a de la chance en tant que fan. Johnny nous a délivré son ultime album dans une douleur inimaginable, sans jamais se plaindre, d'après ses proches. Un modèle d'abnégation et de résistance pour tous. Cet album peut faire jeu égal avec les plus grands rockers. Il est juste sublime, même l'interlude est sublime. Et cette voix, encore une fois, les musiciens sont au diapason, c'est une œuvre d'art. Le dernier acte d'une vie d'artiste dédiée à son public, à ses fans jusqu'au bout, nos limites. Ouais, c'est lyrique. Voilà. Mais la voix de Johnny, on parle beaucoup de la voix de Johnny sur cet album. Effectivement, quand on savait dans quel état il était quand il l'a enregistré, c'est vrai que c'est surprenant. En plus, en connaissant la maladie dont il souffrait, c'est encore plus surprenant d'avoir cette voix aussi intacte, quasiment. Hein, voilà. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression que les gens découvrent tout à coup que Johnny avait une voix extraordinaire. Mais oui. En plus, beaucoup disent aussi que Johnny a une voix plus puissante que jamais. Mais... Ouf, ben ils l'ont pas entendu. Alors comme je disais, moi, oui, c'est ce que j'avais dit. Je dis mais vous avez jamais écouté Johnny Hallyday depuis les années 60 ben ou quoi? C'est ça, oui, voilà. Alors ouais. Que sa voix, elle a toujours été là. Je dirais même au plus haut. C'est-à-dire, on a une très belle preuve aussi de sa voix en 2002 sur l'album À la mort, où vraiment sa voix, waouh, ouais. elle est stupéfiante. Moi, j'ai adoré la voix de Johnny Hallyday dans les années 90, où elle était vraiment railleuse et compagnie, force et tout ça, brute, on va dire. C'était très brut. On peut remonter plus loin, hein, aux années 70, l'album mythique où il y a Insolitude, où il y a la musique que j'aime, Insolitude, oui. Des chansons, je sais pas, je pense Le Corbeau Blanc, où il pousse la voix, il a une puissance incroyable en 73, donc Johnny de tout temps a une voix magique. C'est pas nouveau. C'est donc pas nouveau. Là, ce qui surprend effectivement, c'est que il était à l'article de la mort et qu'il souffrait d'une maladie des poumons et donc on se dit mais jusqu'au bout, il a eu le souffle et la force, la puissance vocale. Voilà, je comprends mieux dans ce sens-là, mais qu'on me dise tout à coup, il a jamais chanté aussi bien de sa vie. Non, jamais. Non, c'est une pure connerie. Voilà, on le dit. C'est radio libre. C'est radio libre. Parce qu'on sent quand même quelques petits trucs. Je pense que il y a eu des corrections de fait au niveau des arrangements, etc. Ça me paraît tout à fait normal. C'est prodigieux ce qu'il a fait, mais je pense que non, il ne chante pas. Il n'est pas au meilleur de vocalement. Voilà, je pense pas. On l'a vu, de toute façon, que la voix, ouais. Sa voix, il avait perdu un petit peu, c'est-à-dire qu'il partait beaucoup plus dans les graves qu'il pouvait monter dans les aigus, c'est-à-dire que sa voix, c'était un peu, elle avait bougé, c'était un peu transformé, on l'a bien reconnu ces 10 dernières années que sa voix était plus. Par moment, on sent que c'est pas aussi facile que Johnny, quand il chantait, c'était vraiment, ça partait, mais on se demandait d'où il allait sortir cette voix-là, quoi. Mmh. Là, on sent quand même que quelquefois, il va la chercher, hein. Que ça doit être assez il bataille et c'est pratiquement un combat. Je pense que c'est son dernier combat, ouais, parce que quelquefois la voix, ouais, je vais pas dire que c'est poussif, mais quelquefois il faut aller. On le sent quand même. Ça t'as pas fait ça toi dans l'écoute? Si. Première écoute de l'album, de toute façon, je n'écoutais en gros que la voix de Johnny Hallyday. Je n'écoutais que sa voix. Voir un peu, s'il y avait c'est pas la défaillance, mais voir un peu comment, avec son état de santé, comment il allait se débrouiller sur cet album-là. Et vraiment, j'ai été stupéfait. Ah, on est soufflé, oui, c'est vrai. Je disais, sa voix, le fait qu'il ait arrêté la cigarette, je me suis dit, sa voix a rajeuni déjà de 10 ans. Parce qu'il y avait moins ce souffle, on avait un putain de souffle, très rock, on l'entendait beaucoup finir comme ça, beaucoup de chansons, et on se disait avec la cigarette, il a sa voix rajeunie uniquement de 10 ans. Il y en a qui ont dit, ah ben non, ce putain, encore plus puissant que jamais. Non, on n'est pas d'accord, pas d'accord là-dessus. Mais oui, on le reconnaît très bien sûr. Quoi qu'il en soit, on continue. Est-ce que j'ai encore un petit détail? Non, c'est bon, je m'arrête là. Non, t'as pas eu d'autres. Oui, moi, ce que j'ai pu dire, en gros, sur l'album là, je dis, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur album de Johnny Hallyday, mais il est très agréable à écouter. Ouais. C'est cet album est l'hymne Fuck the Cancer. Voilà, il a fait comme s'il devait le défendre demain sur scène. Mais le précédent aussi était très agréable à écouter. Oui. Moi, je l'écoute encore avec plaisir. Il y avait de magnifiques chansons. Là, pour le coup, il y avait des très beaux textes sur de l'amour. Mais surtout en plus que c'est un album qui reflétait beaucoup l'actualité et c'est que ça, et Johnny était très sensible à cette actualité-là et justement il parlait des migrants, il parlait des attentats, il parlait de choses comme ça, mais le dimanche de janvier ça a été une chanson et une prestation magnifique pour le premier anniversaire de cette tragédie. Donc j'ai revu la vidéo, très émouvante. On a de bons souvenirs de cet album là. Et cette chanson d'un dimanche de janvier qu'il avait repris sur la place de la République, très émouvante, ouais. Vidéo encore une fois. Voilà, à l'époque du président Hollande. C'est exact. Prochain titre qu'on va écouter, ce sera Tomber en cœur. Le titre cette espèce de vers là, tomber encore, tomber à genoux, machin, me renvoyait en tout cas une chanson qu'avait écrite Catherine Lara sur l'album À la vie, à la mort, et c'était tomber à genoux, c'est ça Oui, c'est ça, laisse-moi tomber, tout à fait. Laisse-moi tomber, hein, voilà. Ouais, c'était donc, laisse-moi tomber à vos genoux. Je pense que ouais. Il y a deux petites phrases voilà, qui sont en commun avec. Que ces deux chansons ont en commun, ouais. Oui, tout à fait. Mais écoute, le temps de parler un petit peu encore, on va mettre cette chanson-là, Laisse-moi tomber. Ouais. Oui, là, on a le thème Laisse-moi tomber qui a été écrit. Donc, la chanson Tomber encore a été écrite par un fan de Johnny Hallyday qui avait donné son cahier de texte, on va dire. Son cahier de texte, oui, on n'est pas à l'école. Hein. Son cahier de chansons à Harold Poupeau, il me semble. Ça c'est la belle histoire en fait. Oui, c'est la belle histoire, oui, tout à fait. C'est le conte de fées qui se réalise. C'est quelque chose qui n'arrive jamais, hein. C'est quelque chose qui n'arrive jamais. Toi aussi, t'as envoyé des textes. Toi aussi, t'as envoyé des textes. Et ça dit beaucoup de choses sur ce qu'était Johnny Hallyday, sur sa générosité, sa simplicité aussi, parce qu'en général, on dit toujours, de toute façon, avant que ça atteigne l'artiste, voilà, donc on le fait jamais, ou alors quand on le fait, on n'attend rien de particulier, en tout cas on ne reçoit rien. Lui en tout cas il a reçu et Johnny, même si c'est sur l'album posthume, je pense qu'il peut être fier de ça. Il peut être fier de ça et ça nous laisse en même temps une bonne impression. Et voilà, on savait déjà, hein, on n'a pas besoin de ça pour savoir que Johnny c'était quelqu'un de simple et généreux. Donc c'est le texte de Boris Lano. Alors le texte, je ne commenterai pas parce que j'ai assez commenté les textes comme ça. Tu es un écrivain, rappelle-le, je suis écrivain. Mais toi, tu me disais, par rapport à son texte, à Boris, que toi, tu avais envoyé aussi des textes, mis en disque, pour Johnny Hallyday. Je ne sais pas si c'était, pour Johnny Hallyday. Ah, j'avais écrit pour lui, j'avais écrit une chanson pour lui. J'avais fait le... l'inverse de Que je t'aime, en fait. J'ai fait une chanson qui s'appelait Que tu m'aimes. D'accord. Et c'était voilà. Et il y en avait deux autres aussi que j'avais fait passer, mais je pense pas que ce soit arrivé jusqu'à lui. Je pense qu'il a eu une bonne idée, lui, de alors on va citer son nom quand même, de Boris Lano, c'est lui. Ah oui, voilà. Ben lui il a eu la bonne idée de les passer à Harold Poupeau. Voilà. Hein, voilà. Et donc il leur manquait des chansons, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont dit tiens, en fait j'ai ce cahier là, et puis ils ont ouvert le cahier et c'est la dernière chanson enregistrée pour cet album là. Voilà, donc un conseil aux futurs paroliers, vous n'hésitez pas. Vos textes aux musiciens. N'hésitez pas, oui tout à fait. N'hésitez pas, donnez vos textes, tout et à pas fait. Pas aux maisons de disques. Oui, qu'est-ce que le donner, je sais pas à qui, à Christophe Maé par exemple, à je sais pas à qui d'autre. Avant il y avait des éditeurs, c'est ça qui était bien, il y avait des éditeurs, donc il suffisait d'aller déposer les textes chez les éditeurs, ouais. Et puis les artistes allaient chez les éditeurs rechercher des textes. Aujourd'hui, ça se passe plus comme ça, donc il faut trouver des combines. Et il a trouvé la bonne. Voilà. Le coup de peau, il peut se dire en plus, hein, avoir la chance de se dire que c'est le dernier texte que Johnny a chanté en studio. C'est clair. Et il peut être heureux de ça, ouais. Il l'est d'ailleurs. Oui, mais je pense bien, oui, tout à fait, oui. J'ai lu son article. Ah oui, tout à fait. Mmh. Allez, on va écouter tout de suite ce titre-là. Tomber encore. Qui est donc l'avant-dernier extrait de l'album Mon pays, c'est l'amour. plus que toi. Quand tu croises les jambes, l'ombre de tes pas et le ciel qui rampe, il me suffit de peu. Un pli, un remous, que la mer s'ouvre en deux pour tomber à genoux. Fais-moi encore tomber amoureux. Fais-moi encore tomber à genoux. Tu as tout d'une plage, ta peau de sable blanc, s'est faite nuit d'orage, et ta jupe se fend. Moi qui suis naufragé, je me sens devenir loup. Oh, laisse-moi tomber, tomber à genoux. Et moi encore, il dira pas de mal, mais pour toi, c'est le texte le plus pauvre de l'album. Il dira pas. Non, il dira pas, vous voyez, c'est moi qui ai dit. Tu dis ça à l'antenne, hein? Ouais, j'ai dit ça à l'antenne. Non, je pouvais pas dire ça. C'est non, pas... mais ouais, non, c'est tout. J'ai rien dit. J'ai pas envie de dire... Mais non, de... bon, comme on dit, on peut que le féliciter d'avoir réussi, oui, d'avoir placé ça, un texte pour Johnny. Voilà, c'est voilà. Super, c'est super pour lui. Il savoure son bonheur. Exactement, ouais. On va pas lui en empêcher, hein. Tu sais, des critiques, si on s'en contrecarre, c'est pas grave, hein. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Oui, parce que bon, franchement, c'est pour la prochaine fois. Alors, il faut lui dire que, je sais plus, la peau de sable blanc, machin, tout ça, voilà, au secours, quoi. Mais comme on disait, c'est un texte érotique, puis voilà. Hein. Voilà, c'est son que je t'aime à lui. Voilà. Dernier titre de l'album qu'on va écouter dans quelques secondes, ce sera « Je ne suis qu'un homme ». Alors, que penses-tu de ce titre-là? Je ne sais pas, c'est le dernier, quand j'ai écouté le disque la première fois, comme c'est la dernière chanson du disque, oui. Ça la rend encore plus émouvante que ce qu'elle peut être, quoi, parce qu'à l'origine, elle n'est pas plus émouvante qu'une autre. Non. Mais c'est une chanson en plus qui touche beaucoup parce que on a l'impression qu'elle s'adresse à nous. D'accord. Voilà, donc bon. Ouais, elle m'a pas... Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, elle m'a pas marqué du tout, cette chanson-là, tu vois. Non. Non, première écoute, je dirais que la première écoute, il était minuit et demi, parce que donc je l'ai écouté l'album aussitôt qu'il a été diffusé sur les plateformes payantes, on va dire, sur comme Deezer ou comme Spotify, tout ça. Donc, et cette chanson-là, eh ben, j'avais les yeux fermés, j'écoutais l'album les yeux fermés, et en fin de compte, cette chanson, je sais pas, est-ce que je suis parti dans un demi-sommeil ou quoi que ce soit, cette chanson elle est passée, mais sans me chatouiller quoi que ce soit. Tu vois? Ça ne veut pas chuter les oreilles, rien du tout. Moi, j'aime bien sa voix, là, pour le un petit peu comme toi, dans Pardonne-moi. Moi, j'aime bien sa voix là-dedans. Alors, je vais pas être. Parce qu'on va me. On va me faire remarquer que j'ai quelque chose contre Johan Mallory et Hervé Le Sourd. Donc, je ne dirai rien sur le texte. Non, mais cette fois. Mais c'est la voix de Johnny est extraordinaire, là. Elle est émouvante, on reste, il nous laisse avec cette chanson-là à la fin du disque et il nous laisse un petit peu, je sais pas quoi, on est un petit peu désespéré à la fin, quoi, ouais. Un peu désemparé. Je dirais qu'il nous laisse des points de suspension. Oui, ouais. Hein, il nous laisse sur A, comme ça, il nous arrête bloqué. Par contre, alors après... Ouais, on peut dire que voilà, on a envie de que ça finisse pas, quoi. Bien sûr, exactement, mais c'est ce qu'on aurait aimé, justement, on aurait aimé nous le garder plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Et on avait dit, je ne sais plus pourquoi, j'ai un internaute qui a marqué que cette chanson-là, Je ne suis qu'un homme, ressemble à, ça a les mêmes accords que Ça ne finira jamais. Ah, voilà. Ouais. Alors, je ne sais pas, faut que je réécoute, faut que je refasse la comparaison. Ça a les mêmes accords, c'est un musicien qui a dit ça, donc il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Je trouve quand même la musique de Calogero un peu plus percutante quand même. Que la musique donc de Yodelis et de Yarol Poupeau. Voilà. Voilà. Si les crédits sont exacts, parce que apparemment il y a eu plusieurs coquilles, comme du genre l'inversion de titre sur le CD Cristal, et apparemment aussi il y a des coquilles au niveau des crédits hein, dans les albums. Je sais pas, peut-être que Yarol Poupeau a fait la partition et Yodelis et l'orchestration, les arrangements, je ne sais pas. Il y a eu des coquilles, et pourtant ils ont eu le temps de le préparer cet album-là pour pas faire d'erreur. Surtout pour un dernier album, donc ça ne rend que ces disques-là collector. Mais bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, imprimé à plus de 400 000 exemplaires, ce n'est plus du collector. Ce n'est plus du collector. Alors pour le coup, les phrases finales, là, j'aurais voulu rester pour le pire, pour le meilleur. Comment rester debout quand l'orage se réveille? Ça m'a quand même foutu un petit peu les poils quand même. Ouais. Ouais. Ben on va les redresser les poils là alors, en écoutant la chanson Je ne suis qu'un homme. Hein? Je te le mets en fond sonore? Oui. Allez, je te le mets en fond sonore, ça marche, on fait comme ça. Voici tout de suite le dernier extrait de l'album de la semaine, le dernier album de Juna Aidé, Mon pays c'est l'amour, et ça évidemment vous l'écoutez sur l'antenne de RIG. Espoir décimé sur les pages blanches d'un monde aussi pressé que les trains fantômes. Le cri des oubliés n'a pas trouvé d'écho dans le cœur des hommes. Le monde qu'on espérait ne verra pas le jour à tous les rescapés. Une époque sans visage. J'aurais voulu garder le meilleur de l'instant, mais je ne suis qu'un homme. Comment rester debout quand l'orage se réveille au fond du cœur des hommes? Les soleils se couchent, la rage en moi me rappelle que je ne suis qu'un homme. au fond du cœur des hommes. La mémoire dans la peau, je me rappelle de tout ce qu'on s'était promis comme en premier jour. J'aurais voulu rester pour le pire, le meilleur, mais je ne suis qu'un homme. Final. Je viens de penser à un truc là. Tu te souviens de cette chanson Je ne suis pas cette photo qu'on accroche au mur. Je ne suis pas ce garçon là que l'on dit. Oui, un homme comme les autres. Voilà. C'est voilà. Je ne suis qu'un homme. Hein. Comme dit Rook, c'était pas le phénix, c'était pas le survivant, c'était pas le Robocop. On l'a pensé. Hein. On l'a pensé. Beaucoup de fois. Très fort. Qui était immortel justement. Comme le disait dans ton livre. Il a été longtemps quand même. Hein. Ah il oui, a oui, été tout à fait. Un phénix. Un survivant, on l'appelait le survivant, le phénix, l'immortel. Ben oui, mais c'est vrai qu'il a échappé de pas mal de saloperies. Hein. Il était vraiment un phénix pendant longtemps qui renaît de ses cendres. Et puis, à un moment donné, il y a eu quelque chose de plus fort qui est venu l'abattre. Oui. Et de tous les bancs, on va dire, aussi bien musicalement, il est renaît de ses cendres, hein, et comme aussi par amour aussi. L'amour, il a fait ce qu'il fallait pour aussi. Hein. Oui. Il a eu une sacrée vie. Il s'est jamais économisé. Hein, il est allé au bout des excès tout le temps. Et voilà. Mais quelle vie! Oui, quelle vie! Et évidemment, c'est pas du 100%, c'est du 200% qu'il a vécu sa vie, Johnny Hallyday. Ouais. Eh bien Frédéric, je te remercie encore d'avoir participé à cette émission Johnny de A à Z. Je te remercie d'avoir donné ton avis sur l'album Mon pays c'est l'amour. J'espère que j'ai choqué personne. Moi, tu me choques pas. Non. Parce que je connais ta verve justement, ta façon de défendre ceci ou cela. Je connais. Donc moi, ça ne me semble pas. Donc est-ce que les auditeurs s'étaient choqués? Je ne sais pas non plus, mais au moins, tu as pu donner ton avis, et puis, comme tu dis, ce n'est que ton avis. Voilà, mais c'est bien d'avoir le sens critique aussi, moi je trouve. Ça manque aujourd'hui. Il y a très peu de gens qui ont le sens critique. Il faut être fan et savoir un peu c'est dire ça, ce ouais, qui. Ça n'empêche pas d'aimer. Hein, voilà, vraiment, savoir dire j'aime ce qu'il fait, mais il y a du bon et du moins bon, justement. Il faut savoir le dire également. Oui, et puis quand on aime, qui aime bien châtie bien, donc forcément quand on aime on voudrait le meilleur, on voudrait que tout soit parfait. Ouais, voilà. Rook est choqué. Voilà. Oui. Ça y est, tu l'as choqué. Il viendra plus aux émissions quand tu seras là. Allez, j'envoie le jingle de fin. À bientôt. Merci Frédéric d'avoir participé à cette émission Johnny de A à Z pour ce dernier album de Johnny Hallyday qu'on a pu un petit peu décortiquer, hein, Mon pays c'est l'amour. Merci Frédéric, merci très bientôt sur l'antenne de RIG. À bientôt. C'est toujours un plaisir de t'accueillir sur notre antenne. Ah ben, c'est réciproque. Le plaisir est partagé. Mais voilà. Et tu vois, on n'a fait que deux heures d'émission, donc ça va. Oui, mais... voilà, mais... j'ai besoin d'un petit peu dormir là aujourd'hui. Merci à vous aussi, auditeurs de Tristes Dirigés, d'avoir écouté cette émission. On se retrouve dans 15 jours pour une autre émission. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.